Bonjour, je vais parler aujourd'hui de l'organisation de l'Église et de ses institutions. Vous savez, beaucoup de protestants évangéliques ne croient pas aux institutions. Pour eux, tout ce qui est organisé a coupé les liens avec Dieu et est devenu une organisation humaine. Ce qui est gouverné par les hommes ne l'est plus par Dieu. C'est leur raisonnement. C'est étonnant parce que toutes leurs églises sont organisées elles-mêmes. Mais il y a des protestants qui se sont même séparés de toutes les petites églises parce que, selon leur raisonnement encore, ces églises sont devenues des « organisations », entre guillemets, donc elles ont perdu le gouvernement de Dieu et la faveur de Dieu. Moi-même, j'ai déjà cru tout ça également. Aujourd'hui, je regarde en arrière, je secoue la tête de réaliser toutes les faussetés qu'on m'avait entrées dans le crâne. À l'époque, ça me paraissait tellement spirituel, cette façon de penser-là, de n'avoir aucun cadre, de n'être gouverné par aucun homme dans l'être par Dieu seul, etc., etc. Bref, pour le protestant évangélique, toute l'organisation catholique vient donc du diable. Pour eux, l'Église catholique est sortie de l'Église primitive et devenue ensuite une organisation humaine pour finir par être une organisation satanique. Voici ce qu'un frère protestant me dit. Écoutez bien ça, c'est le petit résumé maison qu'ils se sont fait enseigner en rapport à l'origine du catholicisme. Il m'écrit ceci. Un groupe de gens se sont rassemblés vers l'an 606 et se sont appelés les premiers pères, les pères de l'Église. Des groupes d'hommes se sont rassemblés, ils se sont consultés pour savoir ce qu'ils devaient faire et ils ont fondé une organisation. Ils ont enlevé beaucoup des choses dans la Bible, ils ont ajouté des choses selon leur pensée au lieu de laisser ce que la Bible dit, au lieu de laisser Dieu lui-même diriger son Église. Les prêtres romains ont organisé et ils ont fondé une Église appelée l'Église universelle. C'est là qu'ils ont composé une prière universelle. Ils avaient l'harmonie parfaite, il fallait que tous soient ensemble, que tous disent la même chose. Ils récitaient la même prière. Ils ont refusé que Dieu lui-même dirige son Église. Fin de citation. Mes amis, c'est tellement triste de voir l'ignorance de ces pauvres créatures du bon Dieu. Pour eux, ce n'est pas des gens méchants, ce sont des gens qui sont mal instruits ou qui ne sont pas instruits du tout. Pour eux, là, les apôtres n'ont fondé aucune Église et après leur mort, toute leur œuvre est tombée par terre et est sombrée dans l'oubli. Et c'est le diable qui a pris la relève sous la forme de l'Église catholique. Ce qui fait qu'à chaque génération, là, tout est à refaire à partir du début, selon eux. Pour eux, l'Église du Christ n'a aucun fondement terrestre ou visible. L'Église, c'est quelque chose d'invisible, là, qui flotte dans les airs, puis qui existe seulement quand des chrétiens se réunissent ensemble. Pour eux encore, l'Église du Christ, c'est un homme qui se met à lire la Bible quelque part, qui la comprend à sa manière, qui fait des disciples autour de lui et qui fonde une assemblée comme ça. Puis quand le type meurt, ben tout tombe à l'eau, tout est à recommencer. Ces petites églises indépendantes les unes des autres naissent et poussent comme des champignons et meurent une, deux ou trois générations plus tard. Ce qu'ils appellent une église n'est en réalité qu'une pauvre petite secte. Mais Dieu, qui a pitié des pauvres, leur donne son esprit quand même. Il n'éteint pas le lumignon qui fume. Il rejoint les gens là où ils sont et Dieu travaille avec ce qu'on lui donne. Ce n'est pas leur expérience avec le Christ que je mets en doute, mais c'est l'esprit protestant qui est derrière, qui diabolise, qui satanise des choses qu'ils ne connaissent pas. Mais la vérité biblique et historique est la suivante. L'Église est à la fois divine et humaine, visible et invisible, terrestre et céleste. Chaque membre est une pierre vivante de l'Église. Mais parce qu'elle est constituée d'hommes et de femmes, elle doit être également une société qui a son organisation, son administration, sa discipline, afin qu'elle soit en harmonie avec elle-même et qu'elle demeure dans l'unité pour laquelle Christ l'a voulu. Vous avez tout ça en Matthieu 18, 15 à 18. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter qui? L'Église. Qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Dis-le à l'Église. On en a un exemple de ça en Acte 15. J'en parlerai un peu plus tard. Mes amis, s'il n'y avait pas d'organisation et ni de responsables qui prennent des décisions au nom de l'Église de Christ, n'importe qui pourrait faire n'importe quoi et ce serait l'anarchie, le désordre et le chaos. Alors que l'Écriture dit en 1 Corinthiens 14, 34, « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » L'unité n'est pas quelque chose qui vient des hommes ni du diable, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Moi, je ne comprends pas les chrétiens qui disent qu'organiser l'Église, c'est sortir de la volonté de Dieu. C'est illogique. Et quand je lis les Actes des apôtres, je vois tout de suite une organisation dès le commencement. Au tout début de l'Église de Jérusalem, il y avait déjà une hiérarchie à quatre paliers. Il y avait les apôtres, l'évêque en chef de l'Église, qui était Jacques, le frère du Seigneur. Il y avait les anciens et les diacres. Et Paul a suivi le même modèle plus tard dans ses églises. Parlons un peu des diacres, justement. Les apôtres leur ont imposé les mains, appelant sur eux les grâces de l'Esprit-Saint. Consacrés, ils ne seront donc pas seulement les ministres d'un office matériel, mais ils possèdent également la responsabilité d'enseigner. Ils prendront donc place dans la hiérarchie et leur titre restera dans l'Église associé au sacrement de l'ordre dont ils constituent un indispensable degré. Alors ne venez pas essayer de me dire que l'Église des apôtres n'était pas une organisation parce que la Bible démontre le contraire partout. Les lettres d'Ignace d'Antioche, qui a connu les apôtres, Jean, Pierre et Paul, écrit en 107, sept lettres. Ce sont des lettres très précieuses historiquement. Elles témoignent elles aussi d'une organisation hiérarchique à trois niveaux, dans toutes les églises locales de l'époque. Il y avait l'évêque en chef, il y avait aussi le presbytérium, aussi appelé le collège des anciens, et les diacres. Toutes les églises locales du monde d'alors fonctionnaient de cette façon. Pierre avait établi cette hiérarchie à Jérusalem et toutes les églises suivaient ce modèle. Paul lui-même suivait l'exemple que Pierre avait établi. Le maître a voulu donner à la formation de son église un principe hiérarchique. Et si vous ne suivez pas ce modèle, mes frères évangéliques, vous ne suivez pas la Bible. Qu'est-ce que l'Église? Je reviens là-dessus, car la conception de l'Église chez les protestants est tellement déformée là, qu'il faut mettre un peu d'ordre là-dedans. Pour avoir une influence positive quelconque dans le monde, l'Église se devait d'être une institution visible, physique et temporelle. Christ a dit « Je bâtirai mon Église ». Signifiant bien une organisation terrestre en même temps qu'un berceau spirituel. Les synonymes du verbe « bâtir » sont les suivants. Asseoir, baser, fonder, former, architecturer, assembler, constituer, construire, échafauder, édifier, ériger et établir. Autre fait important. Le mot grec employé ici et traduit par « bâtir » est « iokodomeo ». C'est le même mot qui est employé en Matthieu 7, 24, lorsqu'il est dit « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » On parle bien ici d'une maison physique, pas de quelque chose d'invisible qui flotte dans les airs, là. C'est le même mot encore qui est employé en Luc 4, 29. Ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie. On parle bien d'une ville matérielle aussi. C'est le même mot qui est employé en Luc 6, 48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Jean 2, 20. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. C'est le même mot grec que dans le verset « Je bâtirai mon église ». Le mot a également le sens figuratif de bâtir spirituellement. En Actes 20, 32, il est écrit « Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut vous édifier. » Donc, les mots « Je bâtirai mon église » signifient bel et bien d'édifier quelque chose de physique, de visible, en même temps que spirituel. Alors, on n'échappe pas à ce que la Bible dit, mes amis évangéliques. Si vous dites « suivre la Bible », eh bien, suivez-la. Ne faites pas que prendre ce qui fait votre affaire et balancer tout le reste. La doctrine protestante qui veut que l'Église du Christ ne soit que qu'une entité spirituelle là, est fausse, parce qu'elle est incomplète. Ce n'est que la moitié de la vérité. Tout comme chaque figure humaine possède deux profils, l'Église répond à la dualité de l'homme. L'Église invisible et l'Église visible, l'Église spirituelle inscrite dans les cieux, nous dit l'Épître aux Hébreux, et l'Église temporelle. Ces deux Églises ne sont pas en opposition entre elles. Il s'agit de la même Église. C'est la même chose pour le chrétien. Il est assis dans les cieux avec Christ et en même temps, il a les deux pieds bien sur la terre, dans le monde physique. Comme le chrétien. L'Église du Christ fait partie de deux mondes. L'Église tire du ciel ses trésors, qu'elle transmet ensuite aux hommes qui sont en elle sur la terre. Il parle aux hommes qui vivent en ce monde pour les élever en l'autre. L'œuvre de Dieu est parfaite, il n'y a rien à y ajouter et rien à y enlever, mes amis. Les pommes ne peuvent pas dire aux pommiers « Nous n'avons pas besoin de toi ». Ni les plumes dire à l'oiseau « Nous n'avons pas besoin de toi ». Il est vrai que le but que poursuit cette société d'hommes et d'âmes ne sera jamais limité au cadre de la terre. L'action de l'Église demeure orientée vers la croissance, l'agrandissement et l'élargissement intérieur du royaume de Dieu dans ses membres. Voyez-vous, l'un n'est pas l'ennemi de l'autre. Les deux travaillent de concert. L'organisation extérieure soutient la croissance intérieure. Les deux travaillent conjointement. L'Église visible et organisée n'existe que pour servir de support au développement personnel, individuel et spirituel de chaque croyant. Je donne souvent l'exemple du pommier. Il y a un tronc bien enraciné dans la terre qui soutient un grand nombre de branches qui serviront à communiquer la sève nécessaire à la pousse des fruits. Tout est rattaché et tout est nécessaire. Les pommes ne peuvent pas pousser toutes seules dans les airs. Un autre exemple, c'est l'ossature humaine. L'ossature rigide sert d'appui aux muscles et organes internes vitaux. Sans cette ossature extérieure, les organes vitaux ne pourraient pas subsister. L'accroissement du nombre des chrétiens a entraîné naturellement le développement des institutions et des services de l'Église. La hiérarchie a été obligée, à cause du nombre de chrétiens, a été obligée de s'élargir. L'époque du IVe siècle marque une étape importante. L'Église éprouve le besoin de stabiliser ses coutumes et de concrétiser sa tradition. Tout était encore jusqu'alors plus ou moins mobile et fluide, mais comme c'est le cas d'une personne vivant dans l'enfance, puis d'un homme qui parvient à l'âge adulte, l'Église fait le point. Le moment est venu de figer la liturgie afin que toutes les églises du monde n'aillent pas se perdre dans tous les sens. C'est également le moment où le canon du Nouveau Testament se fixe et où toutes les lettres apocryphes qui circulent seront placées au rang de valeurs secondaires. Et oui, mes amis, le Nouveau Testament nous vient de l'Église catholique. C'est elle qui s'est portée garante de la pureté des lettres qu'elle a conservées et inscrites au canon des Écritures. Voici ce que dit encore le manuel d'histoire de l'Église. « Toute entreprise suppose une organisation. » La réussite même du christianisme sur le plan temporel prouve que sa croissance a obéi à cette loi profonde de l'histoire qui veut que pour se développer, un mouvement ait des cadres solides, un principe de commandement et comme faisant corps avec la doctrine. Fin de citation. Tout prouve que pour lui survivre, l'Église de Christ aurait besoin d'institutions et d'hommes pour la gouverner. Jésus n'a pas été seulement le merveilleux éveilleur d'âmes. Il s'est révélé aussi comme les plus sages des fondateurs. Il a donné aux siens un enseignement concret, digne d'une école de cadres. Les institutions comme les dogmes qu'on verra se développer au cours des siècles ont tous leurs racines dans son enseignement. Le manuel d'histoire de M. Daniel Rops, intitulé « L'Église des apôtres et des martyrs », dit ceci. Ignace d'Antioche, Polycarpe de Smyrne, tous deux sont les évêques en chef des communautés chrétiennes de leur cité. Dans ces grandes villes, il y a plusieurs petites assemblées, mais il n'y a qu'une seule église. Les petites églises dispersées dans la région se rattachent à l'église de la cité, ce qui explique que saint Ignace d'Antioche se désigne lui-même tantôt comme évêque d'Antioche, tantôt comme évêque de Syrie. Déjà, le rôle des évêques s'agrandit à mesure que l'Église s'agrandit. Plus l'Église grandira, plus elle aura besoin de coordination, de structure, de direction, d'ordre et de règlement. Fin de citation. Établir des règles et de la discipline pour préserver l'ordre, la sainteté et l'unité. C'est ce que Paul fait dans toute la première épître aux Corinthiens. L'Église de Rome a suivi la même lancée. Daniel Rops écrit encore « L'Église, dès qu'elle est née, a donc eu besoin d'une organisation. Aussi Jésus lui-même avait-il, on s'en souvient, jeté les bases d'une administration en utilisant les 12, puis les 72. Au chapitre 5 des Actes, nous voyons les diacres. Dès les plus anciens temps chrétiens, des témoignages sont donnés sur l'existence de cadres ecclésiastiques. Au chapitre 11 des Actes sont nommés les anciens ou les presbytes. Et au chapitre 20, les surveillants épiscopaux ou évêques. Tout au long des 100 premières années, les institutions vont se précisant, s'unifiant pour arriver à présenter, à partir de 150 environ, des caractères généraux bien définis. Fin de citation. Voici maintenant ce que dit le manuel d'histoire de l'Église au tome 1 de Dom Charles Poulet. Au 5e siècle, saint Patrick, qui avait des dons de guérison et de miracles, christianise la Bretagne insulaire. Mais faute d'une hiérarchie constituée, son œuvre ne lui survivra guère. Fin de citation. Voyez-vous, c'est ce qui se passe quand l'Église n'est pas organisée. Mais quand elle l'est, elle peut survivre et continuer à évangéliser pour apporter le salut au monde. Et on peut voir ce qui se passe quand elle ne l'est pas. Elle disparaît. Un réveil spirituel, aussi puissant qu'il soit, s'éteindra s'il n'a pas une organisation pour le soutenir par la suite. Et la mort d'une Église, c'est la fin de l'évangélisation et la mort du monde. Dans les textes de la Bible et l'épître de saint Clément aux Corinthiens et dans la Didachée, il n'est question que de trois classes, les évêques, les anciens et les diacres. Chaque communauté semble dirigée par un collège d'anciens, appelé aussi des presbytes, sous les ordres desquels les diacres sont placés. Dans les lettres d'Ignace d'Antioche, on retrouve encore un système à trois paliers. Il écrit que tous, comme ils révèrent Jésus-Christ, révèrent les diacres et l'évêque qui est l'image du Père et les presbytes qui sont le Sénat de Dieu. Fin de citation. On voit qu'après la mort des apôtres, les églises vivaient dans une très belle unité, une très belle harmonie. Les hiérarchies de la terre sont en quelque sorte l'image des hiérarchies du ciel. Colossiens 1:16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors qu'on ne vienne plus me dire, après ça, que la hiérarchie dans l'Église est du diable. Il est clairement dit ici que la hiérarchie terrestre de l'Église a été créée par le Christ à même titre que la hiérarchie céleste. Je ne veux pas insulter personne, mais comme je dis souvent, les protestants lisent la Bible, ils la prennent par cœur, mais ne la comprennent pas. Ils interprètent la Bible et la comprennent, mais seulement qu'à deux dimensions. Il leur manque la dimension historique qui lui donne sa profondeur, son application. Voici comment ça se passait au IIe siècle. Selon l'observation qu'il en fait, Daniel Rops écrit « Les diacres jouent un rôle durant les cultes. Ils travaillent surtout sur le plan pratique. Ils assurent l'ordre dans les repas cultuels, rassemblent les offrandes à la messe, assurent le contact avec les prisonniers et les malades, administrent les distributions charitables à ceux qui en avaient besoin. Lors de certaines persécutions ou de grandes épidémies, ce sont les diacres et les diaconesses qui se révéleront les plus admirables témoins. Plus haut sont les prêtres, c'est-à-dire les presbytes ou les anciens, Il forme un gouvernement collectif. Le presbytérium est un véritable sénat de Dieu, aidant l'évêque, le conseillant, l'assistant au sens plein du terme, le suppléant en cas d'absence ou de décès. Il représente la sagesse et l'expérience collective de la chrétienté. Et au-dessus d'eux, dominant toute la communauté, entourée d'une vénération immense, l'évêque exerce un très grand pouvoir. À mesure que l'Église se développe et s'organise, les évêchés se tracent et sur chaque siège se fixe une succession épiscopale dont les Églises garderont pieusement la liste. Désigné par accord entre tous les membres de l'Église, l'évêque est sacré avec une grande sonnalité, investi d'un caractère qui le place hors de pair avec tout autre fidèle. Il est le vrai chef, l'incarnation du principe d'autorité, le pasteur. Fin de citation. Et soit dit en passant, l'évêque en question était toujours un vieillard, un chrétien avec une immense expérience et un témoignage irréprochable. Et depuis le tout premier siècle jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé dans l'Église catholique. C'est pas vrai que l'Église a apostasié et que Dieu l'a abandonnée. Il faut pas croire tout ce que les protestants disent. Ils disent n'importe quoi pour détruire la crédibilité de l'Église et établir la leur à la place. Ils jouent le jeu de la calomnie depuis toujours. Ils jouent des coudes pour gagner la première place. C'est vrai qu'après les persécutions, beaucoup de chrétiens et de membres du clergé ont apostasié de la foi. Mais l'Église est toujours demeurée entre les mains de Dieu. Je vous rappelle qu'on est encore qu'au tout début du deuxième siècle ici et que les chrétiens sont encore dans les catacombes, mes amis. Constantin n'est même pas encore né. Il n'arrivera sur la scène qu'environ 100 ans plus tard. L'école protestante enseigne que c'est Constantin qui a inventé l'Église catholique et inventé la hiérarchie. Mais cette théorie, mes amis, ce n'est qu'ignorance ou mauvaise foi, et probablement un peu des deux. L'école protestante veut ignorer les faits historiques. Et quand elle ne peut pas les ignorer, elle les falsifie ou en invente d'autres et distribue les désinformations comme on distribue des bonbons. Personnellement, c'est l'une des choses qui m'a fait quitter le protestantisme. C'est qu'au cours de toutes mes recherches et de mes études sur l'histoire de l'Église, j'ai découvert que les bouquins protestants mentaient et tordaient l'histoire et arrangeaient les choses à leur façon. Leurs méthodes pour discréditer l'Église ont commencé à me répugner royalement à un moment donné. Les amis, même quand on est très pauvre, personne n'a le droit de fabriquer de la fausse monnaie. Et même quand on veut à tout prix avoir le dernier mot, personne n'a le droit de déformer les faits historiques. 2 Corinthiens 2:17 « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » Nous voyons ici que certains chrétiens mentaient pour fortifier leur cause. Mais je dis, moi, qu'une personne qui n'est pas honnête dans sa façon d'interpréter les faits historiques ne l'est pas non plus dans sa façon d'interpréter la parole de Dieu. Un falsificateur est à la base une personne fausse. Quand on compare le premier siècle et le deuxième siècle, les institutions sur le plan local, à l'intérieur de chaque communauté, la hiérarchie ecclésiastique se développe considérablement. Il y a à ça 2 raisons simultanées. D'une part, l'accroissement du nombre des fidèles augmente. Donc, à la fois, le travail imposé au clergé augmente. On n'en vient non plus à une hiérarchie à 3 paliers, mais même à 7 paliers. Il y a les évêques, les presbytes, les diacres, les sous-diacres, les acolytes, les lecteurs et les exorcistes. Cette classification en dessous des évêques et des diacres sont peu nombreux d'ordinaire. Les diacres sont aidés chacun par 6 sous-diacres, lesquels ont eux-mêmes pour assistant au moins un acolyte. Les lecteurs sont chargés de lire et de commenter l'Évangile et les autres textes sacrés de la Bible. Les exorcistes, personnages exceptionnels ayant reçu de Dieu la puissance de vaincre les démons, font désormais partie de la hiérarchie. Je rappelle encore qu'on est au temps des catacombes. On ne parle pas d'une église apostate. On parle d'une époque où les chrétiens ont été les plus merveilleux témoins du Christ. Il y a aussi les portiers, à qui incombe la protection des églises, la surveillance du bon ordre. C'est tout un ensemble harmonieux des tâches et des fonctions. Quand on parle d'une petite église qui a 50 membres, peut-être qu'un seul pasteur, ça suffit. Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'hiérarchie. Quand on parle d'une église qui a des centaines de milliers de personnes, vous allez avoir besoin d'une hiérarchie. Un petit pasteur, là, pourra pas suffire à des centaines de milliers de personnes. Les évangéliques aujourd'hui veulent revenir à l'état d'enfance de l'Église et se constituer en petite communauté. Je ne dis pas que c'est mal, au contraire, c'est une très belle atmosphère que de vivre sa foi en communion étroite et chaleureuse avec d'autres. Mais là où il y a un mal, c'est qu'ils ne devraient pas condamner le fonctionnement de l'Église catholique. Ils devraient comprendre qu'une Église qui compte aujourd'hui 1,3 milliard d'individus ne se gouverne pas de la même façon qu'une petite église de 30 personnes, vous comprenez ce que je veux dire. À l'époque, l'église de Jérusalem comptait entre 5 000 et 7 000 membres. Pour la gouverner, il y avait les apôtres, un évêque en chef, Jacques, le frère du Seigneur. Il y avait également tout un collège d'anciens dont on ne connaît pas le nombre ni les noms. Et même là, il y avait du désordre concernant la distribution d'aumônes. Il n'y avait pas assez de surveillants. Pierre a alors institué les diacres. Ce que Pierre a fait n'était pas biblique au sens strict du terme, là. Il y avait un besoin à combler et Pierre a fait ce qu'il fallait. Dans toutes ces églises, Paul a suivi le même modèle. C'est ça que les protestants ne comprennent pas. Pour eux, tout ce qui n'est pas écrit textuellement dans la Bible est à rejeter. Dans les quatre évangiles, Jésus n'a jamais parlé des diacres, mais Jésus a dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Matthieu 16, 19. Jésus a donc, par avance, donné à Pierre un pouvoir décisionnel considérable là. Dès ce moment, le ministère de Pierre allait devenir principal et fondamental dans toute l'Église. L'Église est appelée par Jésus un royaume, et dans tout royaume, il y a une monarchie. Tantôt, il le compare à une maison, et dans toute maison, il y a un père de famille. Jacques compare l'Église à un vaisseau, et dans un vaisseau, il n'y a qu'un pilote. Pour être protestant, il faut donc écarter toutes les vraisemblances, toutes les analogies et toutes les indications de la Bible. Ils protestent contre la papauté, mais leur pasteur joue exactement le même rôle dans chacune de leurs églises. Frères et sœurs évangéliques, comprenez une fois pour toutes que gouverner une église d'un milliard n'est pas la même chose que de gouverner une petite église de 30 personnes. Réfléchissez avant de condamner à tort et à travers. Actes 6, 1 à 6. En ce temps-là, écoutez bien ça, le nombre des disciples augmentant. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, etc., parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution, etc. Les 12 convoquèrent la multitude. Pierre se lève et dit, « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. » Et après avoir prié, leur imposèrent les mains. Il y a deux choses importantes dans ce texte. Le nombre des disciples augmentant. Ils se sont trouvés avoir besoin d'aide. Les apôtres et les anciens ne suffisaient plus à la tâche. Après avoir prié, est-il écrit, ils ont présenté leur idée au Seigneur d'établir des diacres. Ils leur imposèrent les mains. Voyez-vous, il y a eu une transmission d'autorité légitime ici. Pourquoi les apôtres ont institué quelque chose que Jésus n'avait même pas prescrit dans les évangiles? Parce qu'il venait de s'élever un besoin nouveau. Jésus avait dit aux apôtres, « L'Esprit Saint vous annoncera les choses à venir. » C'est-à-dire que dans le futur, il va s'élever des situations nouvelles et l'Esprit Saint vous dira quoi faire le moment venu. Comprenez-vous? Les chrétiens évangéliques chialent souvent après les catholiques et disent, « Oui, mais c'est écrit où dans la Bible ce que vous faites? » Eh bien, voilà un exemple biblique où Pierre a institué quelque chose qui n'était pas dans la Bible. Pierre établit un échelon hiérarchique de plus dans l'Église, les diacres. Ce n'était pas écrit dans la Bible, mais Dieu a honoré cette décision. À cause de l'accroissement et l'étendue de l'Église, les cadres gouvernementaux ont dû s'élargir pour répondre à un besoin. Les choses étaient simples au commencement, mais les années ont passé et la masse chrétienne est devenue énorme. À Rome, par exemple, au milieu du IIIe siècle, Une lettre du pape Corneille nous apprend qu'il y a dans l'église de Rome 46 presbytres ou anciens, 7 diacres, 7 sous-diacres, 42 acolytes, 52 exorcistes, lecteurs et portiers, ce qui permet de penser que la communauté comptait entre 40 et 50 000 âmes sur plus d'un million d'habitants à Rome. Alors le grand nombre de chrétiens obligeait l'Église à établir une hiérarchie plus vaste pour surveiller et nourrir tout son peuple. Les évangéliques disent « Oui, nous autres, on ne croit pas à la hiérarchie. Pourtant, il y en a une dans chacune de leurs églises. Allez comprendre quelque chose là-dedans. Ils peuvent bien dire « Nous, nous n'avons qu'un pasteur et c'est tout. » Premièrement, ce n'est pas biblique qu'il y ait un seul pasteur. La Bible dit partout d'établir des anciens dans chaque église. Tite 1.5, par exemple. Deuxièmement, comme je l'ai dit tantôt, on se demande comment un petit pasteur à lui tout seul pourrait s'occuper d'une église qui compte plus d'1,3 milliard de membres. Soyons logiques, les amis, là. Au IIe siècle, Tertullien écrit une apologie aux Romains. Il dit « Nous ne sommes que d'hier, et déjà nous avons rempli la terre. Tout ce qui est à vous, nous y sommes. Municipalités, bourgades, même les camps et les tribus, les écuries et le sénat et le forum, nous ne vous avons laissé que vos temples. » Fin de citation. Alors, sans organisation, sans hiérarchie pour nourrir et préserver l'ordre, l'Église se serait plongée elle-même dans le chaos, le désordre, la discorde, l'anarchie, et finalement tout ce foutoir-là aurait vite conduit à la débâcle, à l'écroulement et à la disparition de l'Église sur la terre. 1 Corinthiens 14, 33 « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix comme dans toutes les églises des saints. » Sans cet ordre sacré, les églises se seraient toutes désintégrées. Usons de bon sens, mes amis. Jésus avait dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Matthieu 12, 25. Depuis la Réforme, les protestants sont divisés, éparpillés et se font la guerre entre eux. Ils disent tous suivre la Bible, mais n'y obéissent pas. C'est l'unité, la coordination et l'harmonie que le Seigneur a voulu, et non ce gâchis dont il nous donne le spectacle aujourd'hui. En Matthieu 16, 19, Jésus avait dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. » Pierre avait donc reçu du Seigneur lui-même l'autorité et la prérogative légitime pour établir des règles nouvelles pour le bien du peuple de Dieu. Et c'est ce que la papauté a fait tout le long de l'histoire. Paul a fait la même chose, qui devant des situations et des cas spéciaux que l'Écriture ne couvrait pas, a dû prendre sur lui-même d'établir de nouvelles règles, qui étaient étrangères aux Écritures. En 1 Corinthiens 7,12, il dit « Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. » Paul regardait une situation quelconque dans une église, là, et quand l'Écriture ne couvrait pas cette situation, Paul usait de son jugement, de son bon sens, il s'appuyait sur la sagesse que le Seigneur lui avait donnée et prenait les décisions qui s'imposaient. Il en a été de même, mes amis, dans l'Église au cours de tous les siècles. À toutes les époques se sont levées de nouvelles situations, de nouveaux problèmes, qui ont exigé des ajustements et de nouveaux dogmes, principalement pour lutter contre une hérésie quelconque ou établir un nouveau dogme pour l'édification de l'Église. Ce fut encore le rôle des conciles de prendre les décisions qui s'imposaient. Les conciles produisent l'unité des Églises. Voyez les suites du Concile de Jérusalem, en Actes 16, 4. En passant par les villes, ils recommandèrent aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Une autre traduction a rendu « Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. » Voilà à quoi sert un concile, mes amis. Même Paul et ses co-ouvriers ont obéi à Pierre et les apôtres ici. Paul comprenait l'importance de l'unité des chrétiens. Il ne l'avait pas toujours comprise, nous le voyons dans son Épître aux Galates, chapitres 1 et 2. Il avait commencé par vouloir faire cavalier seul, mais son opinion des apôtres avait mûri et avait changé. Paul respectait maintenant l'autorité de Pierre et des apôtres. La règle de base est de suivre le « Il est écrit ». Mais lorsqu'il n'est pas écrit, il appartient à l'Église d'utiliser l'autorité que le Christ a donnée par avance à Pierre et à tous ses successeurs, de prendre les décisions qui donnent les meilleures directions à l'Église. Tout ça est parfaitement biblique. Je répète Matthieu 16, 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. » Là où la Bible ne tranche pas, c'est Pierre qui tranche. Jésus avait donc donné à Pierre l'autorité de répondre à tous les besoins qui s'élèveraient dans l'Église. Dans le désir de détruire la papauté de Pierre, plusieurs protestants aujourd'hui disent que Pierre a été infidèle au Seigneur en nommant Matthias pour remplacer Judas et qu'il aurait dû choisir Paul à la place. Mais c'est tellement ridicule cet argument, mes amis. C'est dans certaines églises baptistes qu'on enseigne ces bêtises-là. En sapant l'autorité de Pierre, en discutant puis en doutant de ses décisions, on travaille au fond à saper l'autorité du pape, de la papauté actuelle. En toute autre circonstance, le protestantisme nie la succession apostolique. Mais ici, on admet indirectement que Pierre est la première maille de la chaîne des papes qui lui a succédé, comprenez-vous? Premièrement, Paul n'était même pas chrétien encore à cette époque-là. Deuxièmement, Paul ne voulait pas être associé aux apôtres au début. Il voulait être sa propre autorité et faire les choses à sa façon sans avoir à répondre aux apôtres. Alors même si Pierre aurait voulu nommer Paul à la place de Matthias, Paul n'aurait même pas voulu être nommé. Comment est-ce que Pierre aurait pu l'associer aux apôtres? Allô, les amis, là! Il est devenu chrétien seulement un an plus tard. L'ignorance des Écritures et l'ignorance de sa chronologie chez nos frères protestants est à pleurer. Alors, de grâce, frères et sœurs, instruisez-vous à la bonne école parce que les connaissances qu'on vous a passées sont vraiment bas de gamme. Les gens qui sont protestants le sont par ignorance. Le protestantisme n'est pas basé sur la Bible, il est basé sur une mauvaise connaissance de la Bible et sur une méconnaissance de l'histoire. Les églises protestantes font tout pour dépouiller Pierre de son autorité et la donner à Paul à la place. Car reconnaître l'autorité de Pierre, c'est un peu reconnaître l'autorité de la papauté et de l'Église de Rome, ce qui n'est absolument pas question de faire pour eux. Ils préfèrent donner à Paul le siège suprême, là. Car Paul a été le premier protestant de l'Église, ne l'oublions pas. Alors, c'est pas étonnant que les protestants le préfèrent à Pierre. Cependant, le choix de Christ demeure. Ce n'est pas Paul que le Christ a choisi, mais Pierre. De toute façon, comme je l'ai déjà dit, Paul s'est ravisé plus tard, il a reconnu l'autorité de Pierre et des apôtres et a suivi leur direction. C'est bien joli d'évangéliser et d'amener des dizaines de milliers de personnes au Seigneur, mais il faut en organiser le gouvernement et la surveillance ensuite, afin que toutes ces âmes ne partent s'éparpiller ou se former en toutes sortes de sectes différentes. Pour conserver l'unité chrétienne, il fallait une autorité qui dispenserait un seul enseignement uniforme dans toutes les églises. Et voilà le rôle qu'a joué Pierre à partir du 1er siècle jusqu'à nos jours. L'Église de Rome a été la sauvegarde de l'unité chrétienne dans le monde entier. Voilà ce qui a été la base de la transformation du monde, de la réformation des mœurs et de sa puissance dans le monde. Écoutez bien ceci, c'est très important, les amis. Les protestants n'ont pas fait leur schisme au 16e siècle parce que la primauté de Pierre était obscure, mais ils l'ont obscurcie pour excuser le schisme qu'ils avaient déjà fait. Quand les protestants nous disent que Constantin a inventé l'Église catholique et que la papauté n'a été inventée qu'au 7e siècle, tout ça n'a absolument aucun fondement historique. Ça contredit toutes les données bibliques et toutes les données historiques. La vérité, c'est que c'est le protestantisme qui a inventé toutes ces histoires. L'école protestante n'a pas le choix. Pour justifier son existence et se donner crédibilité, il doit détruire celle de l'Église de Rome. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y avoir deux églises. Le Christ n'a qu'un seul corps qui est indivisible, nous dit l'Écriture. C'est très important ce que je viens de dire là. Parce que tout est là, hein, mes amis? Un autre protestant me dit un jour, « Jésus-Christ n'a jamais organisé une église. » C'est vrai. Il me dit ensuite, « Aucun des apôtres n'a jamais organisé une église. » Ça, c'est tellement faux, là. Paul a écrit en 1 Corinthiens 3, 10 à 12, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, etc. Paul emploie le verbe bâtir trois fois et le mot fondement trois fois également dans le même passage. Il a également écrit en Colossiens 1:24 « Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Alors, la mission du Christ a été de poser le fondement spirituel de l'Église et la mission des apôtres a été d'en poser les fondements temporels. C'est ce que Paul voulait dire dans ces deux passages. Le Christ n'a pas fondé d'Église, c'était le travail des apôtres ensuite, d'achever ce que le Christ avait commencé. Ce même chrétien me dit ensuite, « Jamais, à aucun moment, même jusqu'à 3 ou 4 générations après eux, ils n'ont organisé une Église. » Je suis désolé, mais encore une fois, c'est encore tout à fait erroné. L'histoire des premiers chrétiens et des martyrs, c'est-à-dire des 3 premiers siècles, nous montre avec une tonne d'évidence que l'Église n'a fait que ça, organiser et bâtir une Église qui serait solidement implantée et qui changerait la face du monde par la suite. Les nombreux documents qui ont été retrouvés et qui datent des tout premiers siècles nous montrent avec une clarté incontestable que les apôtres, les disciples des apôtres et les disciples de leurs disciples n'ont fait que ça, organiser une Église qui serait la lumière de toutes les nations ensuite. Ces chrétiens n'auraient qu'à lire la Didachée, la Didascalie, les Pères de l'Église, les lettres d'Ignace d'Antioche, et j'en passe des tas, mais voilà, l'école protestante leur cache tous ces documents historiques. Elle leur remplit la tête de tellement de préjugés, là, qu'ils ne veulent même plus aller voir ce qu'il y a dans ces écrits-là. À la place, on leur fait un petit résumé historique tordu, là, falsifié, qu'ils prennent, qu'ils acceptent pour la vérité. Ces gens sont des victimes. Ce ne sont pas des méchantes personnes. Ce sont des victimes d'abus de confiance. En conclusion, eh bien, tous les vrais historiens sont d'accord pour dire que si l'Église n'avait pas eu d'organisation et de succession apostolique, elle aurait péri en quelques générations. C'est le système hiérarchique de l'Église qui l'a gardé unie. Ignace d'Antioche, qui a connu l'apôtre Pierre, Jean et Paul, a écrit « L'Église est une par l'unité de la foi et du gouvernement. » Fin de citation. Il écrit dans son épître aux Éphésiens « Pas d'Église sans évêque, prêtre et diacre. » Fin de citation. Dans toutes ses lettres, Ignace décrit très clairement une hiérarchie à 3 paliers dans chaque Église. Il n'y a qu'à regarder les lettres de Paul, une hiérarchie à 3 paliers y est clairement décrite également. Clément de Rome, dans son Épître aux Corinthiens, en 95, fait également valoir, dit-il, les principes d'ordre, d'unité et de hiérarchie qui est la plus propre à établir et rétablir la paix. Fin de citation. Clément de Rome prend aussi pour exemple l'ordre qui règne dans l'armée et dans le corps humain pour légitimer, dit-il, je cite, « celui qui doit régner dans le corps du Christ ». Il dit encore, « Or, jadis, les oblations et les sacrifices incombaient aux souverains sacrificateurs, aux prêtres et aux lévites de l'Ancien Testament. Désormais, les fonctions doivent incomber à la nouvelle hiérarchie à 3 degrés comme l'ancienne. Cette hiérarchie est d'origine divine, comme Dieu a envoyé le Christ a envoyé les apôtres, et les apôtres ont envoyé leurs successeurs. » Fin de citation. Voilà le vrai témoignage historique, mes amis. Est-ce que c'est assez clair, ce passage-là? Voilà ce qu'on avait toujours cru parmi les premiers chrétiens. Ceux qui vous ont enseigné que dans l'Église du Seigneur, il n'y avait pas de chef, et que Jésus était le seul chef, vous ont enseigné des bêtises, là. Faisant une analogie à l'Église, Paul écrit en 1 Corinthiens 12, 21 et 25, « L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. » Il parle de la tête. Il y avait donc des chefs dans les églises. Et en Romains 12, 8, il écrit « Que celui qui préside le fasse avec zèle. » Une autre traduction a rendu « Que celui qui gouverne le fasse avec zèle. » Dans le corps de Christ, certains sont la tête. C'est-à-dire des chefs, une hiérarchie gouvernante et enseignante. Alors qu'il y ait des chefs qui gouvernent l'Église est parfaitement biblique. Ce sont les protestants qui ne sont pas bibliques. Pour eux, l'unité, ce n'est pas important. L'unité, c'est diabolique pour eux. Ils préfèrent le chaos de toute leur secte. Clément de Rome pénètre au cœur du sujet. Il établit que la hiérarchie ecclésiastique est d'institution divine et qu'à son endroit, l'obéissance est un strict précepte. Cette lettre pontificale jouit d'une si grande autorité qu'on la trouve transcrite à la suite des épîtres des apôtres dans plusieurs manuscrits très anciens de la Sainte Écriture. Alors, on en apprend des choses aujourd'hui, pas vrai? La première génération de chrétiens ont été les témoins de la hiérarchie. L'épître de saint Clément date de la fin du 1er siècle. Son but est de rappeler les Corinthiens à l'obéissance envers l'autorité ecclésiastique locale. Cette lettre est écrite suivant l'usage primitif, c'est-à-dire au nom de l'Église romaine entière. Elle n'en émane pas moins du pape Clément en personne. La Didascalie est un document historique qui nous renseigne sur la constitution de l'Église au 3e siècle. Il y est écrit « L'évêque choisira dans le peuple les hommes dont il a besoin pour l'aider. Il se choisira des presbytes ainsi que des diacres et des sous-diacres autant qu'il en aura besoin pour le service de sa maison. » Fin de citation. La Didascalie parle également de la vie interne de la communauté. Je cite « Dans la société chrétienne, tous les chrétiens ne doivent former qu'un corps bien uni, centralisé entre les mains de l'évêque. Il ne faut donc pas de discorde entre les frères. Une des obligations les plus importantes de l'évêque est de maintenir la paix et le bon accord. Les pécheurs doivent être rejetés, c'est-à-dire les rebelles qui circonviennent à la paix et à l'unité de l'Église. » Alors vous voyez, dans l'Église primitive, ce sont ceux qui contrevenaient à son unité qui étaient rejetés comme pécheurs. Aujourd'hui, chez nos frères évangéliques, ce sont ceux qui recherchent l'unité qui sont étiquetés comme diaboliques. La Réforme a transmis des valeurs contraires aux valeurs évangéliques. Qu'est-ce que ces chrétiens diraient en voyant vos milliers de petites sectes en tout genre, s'excommuniant les unes les autres par des anathèmes et toute cette multitude de doctrines contradictoires qui ne sèment que la dispute, les querelles, les amertumes, les haines? Que croyez-vous qu'ils diraient? D'un commun accord, ils vous traiteraient tous d'apostats et ils interdiraient votre communion. Voilà ce que les premiers chrétiens penseraient et feraient de vous, mes frères évangéliques. Alors réfléchissez à tout ça. Remettez en question ce qu'on vous a enseigné. Parlons maintenant un peu des conciles. J'en ai parlé un peu tantôt, je veux y revenir. Daniel Rops, dans son merveilleux manuel « L'Église des apôtres et des martyrs », écrit ceci. « Depuis très longtemps, on le sait, l'Église connaissait l'institution conciliaire. Le premier concile ne s'était-il pas tenu à Jérusalem en 49, quand Paul et les apôtres avaient examiné en commun l'attitude à adopter en face du problème juif? Dans l'Église primitive, chaque fois qu'il y avait eu à fixer des points graves de discipline, des réunions régionales s'étaient constituées. En Afrique, en Italie et en Orient, ces réunions avaient eu lieu régulièrement pour maintenir les liens entre les trois chefs de la chrétienté. L'idée était dans l'air d'un concile qui rassemblerait toute la chrétienté, qui matérialiserait l'unité de l'Église en une réunion géante. Constantin adopta cette idée avec joie. À Empire uni, Église unie, c'était son principe. L'univers, c'est-à-dire l'œcumène, comme on disait en grec, avait un seul chef, c'est-à-dire lui-même. Le concile qui ramènerait l'unité dans l'Église serait donc lui aussi universel, c'est-à-dire œcuménique. Ainsi, le premier concile œcuménique fut décidé, le concile de Nicée. Fin de citation. Le Christ, prévoyant les futures hérésies et les schismes, prévoit en même temps les mesures disciplinaires pour les contrecarrer. Matthieu 18, 15 à 20, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, une autre traduction a rendu « S'il se laisse convaincre, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, etc. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » Nous voyons ici l'autorité de l'Église placée au premier plan et au-dessus de tout et de tous. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. une autre traduction a rendu, sera sanctionné par l'autorité divine. C'est pas rien, hein? On pourrait aussi traduire en paraphrasant, toute décision que vous aurez prise sur la terre sera ratifiée par le ciel. Les conciles de l'Église ont l'autorité du ciel même. Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux, ajoute-t-il au verset 20. L'Église est donc la dépositaire ici-bas de l'autorité divine de Christ. Dieu s'engage ici à ratifier tout ce que l'Église décidera. Pourquoi l'Église établit-elle de nouveaux dogmes? Il faut comprendre que le monde autour de l'Église subit des changements et que l'Église doit s'adapter. Ce qui n'était pas de rigueur au commencement le devient quelquefois plus tard. Le premier concile de l'Église fut tenu en 49 à Jérusalem. Pierre et les anciens y ont présidé. Des décisions ont dû être prises à l'égard des païens qui se convertissaient. Ces décisions n'avaient pas été nécessaires jusque-là, mais le sont devenues par la force des choses. Aussi l'Église dans les conciles qui y ont suivi. D'autres décisions ont dû être prises et des changements ont dû être apportés. De nouveaux dogmes doctrinaux ont dû être établis également. Le visage de l'Église a changé à chaque époque, comme le visage d'un enfant change à chaque année. Ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas écrite dans la Bible que cette chose devient du diable, mes amis. N'oublions pas que la Bible ne couvre que la période où l'Église n'était qu'à son enfance. Au Concile de Jérusalem en 49, c'est-à-dire en Actes 15, 28 à 29, Pierre et les anciens proposent un arrangement entre chrétiens païens et chrétiens juifs. Ils prônent le droit de dire à ces églises ce qu'ils doivent garder des prescriptions mosaïques, et ce, même si la grâce avait remplacé la loi. Les apôtres ont fait ces concessions afin de conserver l'unité dans les églises. Même chose pour l'institution des diacres en Actes 6, 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils se sont pas mis à chialer puis à dire « Mais c'est écrit où dans la Bible, les diacres? » Paul lui-même donnait ses conseils aux anciens. « Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, c'est-à-dire devant toute l'assemblée des chrétiens. » Romains 12, 17. C'est-à-dire que la conscience de groupe de l'Église établit la marche à suivre. C'est ce qui a très, très souvent guidé l'Église dans l'établissement de ses dogmes durant l'histoire. Alors, la conclusion de tout ça, il est évident que le système épiscopal a été un des éléments fondamentaux du christianisme lors de la période décisive où il conquit le monde. C'est à ce système que l'Église doit son efficacité et sa longévité. Nous ne connaissons pas tous les évêques des premiers temps, qui furent vraiment les pierres de taille dont se bâtit l'Église, mais ceux que nous connaissons apparaissent dans une lumière de génie et de sainteté. Qu'on pense à Clément de Rome, Ignace d'Antioche, Polycarpe de Smyrne, Denis de Corinthe, Irénée de Lyon, et plus tard Cyprien de Carthage, Hilaire de Poitiers, et à tous ces grands évêques qui, au tournant du IVe siècle, apparaîtront comme les vrais chefs de la société. Sans ces hommes et sans ce régime épiscopal, le christianisme n'aurait jamais pu jouer son rôle dans le monde. C'est à l'autorité de Pierre et à la succession apostolique que l'Église est devenue le sel de la terre entière. Amen.